raconte que toutes les légendes et les contes nous viennent de la nuit des temps. Il en pousse encore tous les jours, entre la mousse et le velours, sous la plume du vent, sur la feuille du printemps. Quand je sens naître une histoire, je ressors mon vieil écritoire. J'attends le soir qui vient pour me mettre en chemin.